Oh, c'est un peu son métier. On a pas un jingle pour Kazar? Non, non, il n'y a pas de chanson, c'est quand ça prend un coup sur 8. La musique roumaine de Jeff, ça marche aussi pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de quoi? Vas-y, mais va au bout de tes vannes! Si t'assumes pas tes blagues! Et toi, ça te vexe? Ben non, moi ça me vexe pas, mais va au bout de tes blagues! Non, c'est pas bon. C'est par rapport à mes fringues, c'est ça? Ouais. Mais tout le monde n'est pas payé au même salaire, mon petit ami. Moi aussi, c'est facile d'avoir du goût, hein, quand on gagne des sommes à 15 chiffres. Ah. L'élégance pour les Arabes. L'élégance n'est pas une affaire d'oseille, cher ami. Ah bon, d'accord. Va dire ça à certains. Non, il y a plein de mecs qui n'ont pas du tout de classe. Exactement. Leur demande de café l'addition. Je suis complètement d'accord avec avec 20 euros. Et il y en a même en survêtement, ils ont de l'allure. Exactement. Même Prada, n'est-ce c'est pas si cher. Et toi, même avec des grandes marques, je crois que ça le fera jamais. Putain, les vannes sur les fringues et sur les coupes de cheveux, c'est mes préférés. Allez, l'OM. Venge-toi sur Valbuena. Non, mais je vais te dire un truc. Le jour où les vannes de Paris vont arriver chez vous, vous allez adorer l'humour, les mecs. Vous allez voir. Alors, attends. C'est méchant. Et gratuit, il y a des gens qui n'en prennent plein la gueule, qui n'ont rien demandé à cause de toi, Eric. C'est vrai. Hein, c'est comme José Darigo. T'es un Marseillais qui fait du mal aux gens de là-bas. Alors que tu n'y habites même plus. Salope. Pardon. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai complètement craqué. Darigo revenir... habitué à Marseille. Très sûr. Un grand homme. Hein. Lisez son livre. Darigo? Non. José Darigo. José Darigo, ouais. Et là, il a écrit un très très bon livre sur le. T'es pas censé faire une chronique qui te. Si, mais puisque moi tout le monde s'en fout. Moi j'ai le temps. De toute façon, je suis payé à la minute. Hein, donc. Avec lesquels tu te payes des livres de Voltaire? Arsenal. C'est qui celui-là? Vous voyez l'équipe? Ah oui, pardon. Arsenal, vous avez parlé des amendes. Alors, il y a une amende, j'ai vu, qui était si tu lis un journal pendant la causerie. Ça, on est sûr qu'en équipe de France. Dans le vestiaire. Voilà, en équipe de France, déjà, celle-là, ils la paieront pas. À mon avis, ils sont tranquilles. Ça, c'est, à moins qu'on les gaule avec un journal, je sais pas pourquoi ils s'en serviraient pour se torcher, j'en sais rien. Le PSG. Alors, moi, je trouve que quand même, vous êtes quand même sympa avec le PSG, parce que franchement, le PSG, honnêtement. Bon, franchement, le PSG, il est premier du championnat. Ok. Hein, ils sont premiers de leur groupe en Ligue des Champions, ils sont qualifiés, ok. Ils ont meilleure attaque, ok. Ils ont meilleure défense, ok. Ils ont le meilleur buteur, ok. Mais à part ça, ils font quoi le PSG? Franchement, à part ça, ils ont fait quoi cette année? Rien. De la merde. Alors voilà. Et Nice. Alors Nice s'enflamme. Moi je suis content parce que franchement on n'avait pas vu une folie pareille. On n'avait pas autant parlé de Nice depuis le départ de Jacques Médecin en Uruguay. Et ça fait quand même plaisir. C'était pas d'hier. Voilà. Alors ouais c'était vraiment. Il est parti vendre des t-shirts. Ça c'était voilà. Et depuis c'était assez calme. Hein. Et donc je suis content. Et voilà. Et s'ils vont en Ligue des Champions, vous avez raison, ça va être horrible parce que si jamais ils sont qualifiés, on va se taper un discours de félicitations de Christian Estrosi sur le perron de la mairie avec Claude Puel à côté. Ça me déprime déjà. Je pense que j'ai pas et le temps de développer. Gilles Vessière, adjoint au sport à la mairie de Nice. Attends, j'étais en train de mettre la corde, j'avais pas encore sauté du tabouret, t'es gentil. Donc écoutez, je vous parlerai de la Coupe d'Afrique des Nations tout à l'heure parce qu'on m'a vampirisé ma chronique. Vous m'avez zlatané. Voilà, m'avez zlatané. Aucun rapport de cause et effet. De retour dans Julien, ça va dire sur la CAN. C'est après. Dis-moi Julien, t'inquiète pas, je vais dire du mal des Africains. Ah, juste avant de vous dire au revoir les gars, Julien, la prochaine fois la semaine dernière, tu as fait une super vanne sur Oumtiti là, tu sais, mais oui. Il faut que tu expliques que Oum le dauphin, c'était un dessin animé quand on était petit parce que ma fille elle a rien compris. Eh ben, qu'elle se renseigne un peu, tu sais, la culture. Moi, j'étais pas né à l'époque de Napoléon et je sais très bien que c'est en 1515. Ah oui, c'est vrai, oui. Oum, ça s'apprend à l'école en effet. Oui. Et bien sûr. Parmi les rois du lasso, les gros bras du rodéo, les chatouilleux du côté dur à cuire, et les gars qui pourra me dire qui fut plus fort que Buffalo. J'espère. Je sais pas qui choisit les chansons, mais il faut absolument qu'il fasse une soirée, qu'on soit invité, parce que c'est de mieux en mieux. Je sais pas ce qu'il boit, du champomy ou quoi, mais bon, bref. C'est notre nouveau producteur, il a dit il sait s'amuser. Parce qu'il dégaine des vannes plus vite que son nom. Ah, bah, dis donc, il doit être rapide son nom. Il est hémiplégique. Une ombre hémiplégique. Alors, attends. Les Lillois qui étaient, vous êtes un peu frités sur les Lillois à un moment donné parce qu'ils chantaient. Et c'est vrai que les Lillois, dans le stade, ils ont chanté Adil Rami, Adil Rami. T'as vu? Et ce qui est drôle, c'est que dans le même temps, à Mestalia, ils chantaient reprenez-le, gratuit, reprenez-le. Donc voilà. C'est pas fou. Donc voilà, donc il y avait une espèce de. C'est, ils chantent des trucs, ils se le renvoient, c'est plutôt sympa, c'est une bonne ambiance. Vous avez parlé de Pujol. Et c'est vrai que Pujol, moi je trouve qu'il a pas été honnête. Moi je dis que c'est une question de mentalité. On est foncier. Voilà, où on l'est pas. C'est mon petit gimmick de la soirée. J'adore cette pub, elle est géniale. J'adore. Je peux pas avoir de réduction chez Foncia, donc je ne peux pas être susceptible de, tu vois. Mais pense, t'achètes une maison. D'accord, donc je rappelle que je travaille à RMC. Je travaille à RMC. Je peux au mieux la louer à crédit. Alors, on a parlé de Perkis. Perkis, alors c'est marrant, Perkis, il est pas passé à l'OM pour le mercato. Ah non, c'est Perquisition qui était à l'OM, pardon. C'est pas le même joueur. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même. C'est, il sait qu'il y a un mec qui était passé à l'OM, mais c'était pas lui. Je voudrais parler de la Coupe d'Afrique. Alors la Coupe d'Afrique, alors le problème c'est que la Coupe d'Afrique, c'est pas évident parce qu'il y a le Mali qui participe à la CAN et il y a des événements un peu, bon voilà, c'est un, je sais pas si on peut parler de foot parce que c'est quand même d'abord un truc hostile, il y a de la violence, il y a des risques de blessures, de morts. Je rappelle que Momo Sissoko est présent dans l'effectif, donc forcément il y a du danger, les populations sont prévenues. Je tiens même à parler aux terroristes qui nous écoutent, méfiez-vous de Momo Sissoko qui à tout moment peut faire un crime de masse. Donc voilà, je préfère quand même prévenir. Pourquoi le fait Momo Sissoko, je sais pas, t'as vu ses matchs, mon pauvre ami? Oh non, merde, pardon, je t'ai perdu. Ah, non, mais mets pas tous les Sissoko dans le même sac. Ah, Momo, avant de le jeter à l'eau. Alors attends, ancien joueur du PSG. Je rappelle que. Il est passé au PSG, Momo Sissoko? J'ai beau courant. La CAN, c'est surtout ça. Des dribbles, de la folie, du beau jeu. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Excuse-moi, premier match, 0-0. Deuxième match, 0-0. Mali-Niger, l'attaque, c'était Samassa contre Moussa Mazou. Voilà, donc ça c'est la CAN. Hein. La CAN c'est donc ça, hein. C'est des dribbles, du spectacle sur AMC. J'en ai vu des publicités dégueulasses, mais alors celle-là elle est honteuse. Hein. Alors sinon j'ai regardé les vedettes, il y a Mongongu, Moulumbu, John Boy. D'ailleurs, parenthèse, il y a la télé là qui a parlé au match de Rennes. Il nous rappelait que Rennes était amputé de John Boy pendant la Coupe d'Afrique. Alors des amputations comme ça, tant mieux. Hein. Parce que sinon, John Boy, il te gangrène. Hein. Faut vite amputer parce que là, c'est dangereux. Non, mais bah, j'ai envie de dire, voilà. John Boy. Il y a Drogba, il y a Touré. Drogba, il doit se demander ce qu'il fout là. Donc les stars. Donc Cheikh Diabaté, Ndiaye. En fait, c'est la coupe de la Ligue 2, en fait, ce truc. Pauvre Drogba, franchement, je me dis, en même temps, ça lui rappelle le championnat de Chine, c'est bien, ça le dépayse pas trop. En termes de niveau, on n'est pas trop loin. Non, j'ai vu, il y a Suarez, Nivaldo, Carlitos, mais je vous arrête tout de suite, c'est pas le Brésil, hein, c'est le Cap-Vert. Ils parlent portugais, c'est tout, c'est la seule comparaison. Ça s'arrête là, moi je les ai vus jouer, c'est bon. Hein. C'est pas la Copa Libertadores, c'est bien la CAN, on est rassurés. Moi j'aime bien la CAN, hein. J'aime bien parce que ça fait mec de gauche déjà, ça fait... C'est toujours bien d'aimer des Africains, non? Ça c'est pas faux. Non, je vais dire un truc. C'est toujours bien d'aimer des Africains sans se poser de questions de savoir si c'est bien ou pas. Ça fait bien. Moi je veux dire c'est le changement. Le changement c'est la CAN. Donc moi personnellement quand je vois les mecs viser au but, je crois que c'est plutôt la CAN blanche qu'on va appeler. Voir le Labrador. Mais bon. Allez, on va dire que c'est fun, c'est branché. Vive la CAN Afrique des Nations. Messieurs, dames, restez avec nous. C'est l'heure de Julien Cazard is back. Déjà. Ah, t'as pas d'avis en Afrique hein, depuis une heure. Hein. Là, c'est dingue. Mais c'est parce qu'ils sont. Mais attendez, c'est d'une mauvaise foi absolue parce que je pense que l'Afrique mérite mieux que cette coupe en bois qu'on nous verse depuis deux fois. Là. C'est, franchement, il y a des grandes époques de la Coupe d'Afrique. Rappelez-vous, le grand Nigeria, la grande Côte d'Ivoire, le grand Sénégal. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Non, ce alors, dont il faudrait parler plutôt sérieusement, c'est effectivement, il y a eu beaucoup de belles équipes. Eh ben, on en parlera quand ça sera à toi de parler, Daniel. Alors donc. C'est pas du tout sérieux. Pourquoi c'est devenu mauvais, c'est ça le sujet. Alors ça. Pardon, je ne te coupe plus. Mais je t'en mets bien sûr, tu n'es pas rabbin, tu n'as pas à me couper. Fred, tu avais dit que Valence. J'avais pas fait pour l'instant. On n'avait pas dit. Alors, pourquoi je suis perdu. Voilà. Le Real qui a battu Valence. Alors moi j'ai vu le match. Est-ce que t'es sûr que c'était pas Valence dans la Drôme? Parce que moi j'ai vu le match. C'est dramatique. Hein. Si c'est ce Valence là qui joue, faut pas le faire à Mestalla. Faut le faire au stade Jean Perdri. Parce que là, à mon avis, c'est un peu coupe-gorge. Mais bon, Fifi, tu nous parlais d'Arsenal et tu nous expliquais pour les histoires de transfert. En fait, c'est une franchise à l'américaine. Hein, c'est ça que tu nous expliquais. Nous, on a René Girard. Et après, à la fin, on a dans le cul. Ça, c'est une franchise à la française. Très différent. C'est chacun son truc. C'est un autre genre de franchise. Alors, alors là, ça va être un petit peu moins drôle, encore que c'était pour spécialement. Non, mais là, le PSG qui a joué contre Bordeaux, qui était en deuil, hein, c'est vrai, après malheureusement le décès d'un des membres du staff. Hein, et donc, du coup, j'ai vu Benacer était habillé en noir, les joueurs étaient entrés sans parler à la presse, ils marchaient sur le terrain, Ménès faisait la tronche. Comme d'habitude, quoi. En gros, c'est moi, j'ai pas vu la différence. Parce qu'en fait, ils étaient en deuil depuis le début de l'année. Ils nous avaient pas prévenus. Ils sentaient un truc. C'est comme Pastore. Pastore, ça fait un an et demi qu'il fait la gueule, qu'il marche sur le terrain et qu'il parle pas à la presse. Donc, à mon avis, il avait le nez creux, le mec. Il sentait, à mon avis, il va se passer un truc moche. Et donc, voilà. Donc, non, mais c'est vrai. Franchement, je vois pas le changement. D'habitude, les joueurs, ils arrivent pas. C'est pas interview sur interview. Nasser s'habille pas en rose avec une plume dans le cul. Et Ménès, c'est pas Omar Sy. Mais bon, visiblement, ça a choqué tout le monde. Fred, ah oui, Fred, tu nous as quand même dit que Valence allait mieux et que le Barça perdrait pas un seul match. Est-ce que t'as un tuyau dans la cinquième? Parce que moi, ça m'intéresse. Idéal du gazo. Ouais, voilà, t'as raison. Ouais. Un handicap. T'es pas l'idéal du gazon, toi. Hein. Il est mort, il y a du gazon. C'est vrai, quoi que, récemment. Je pense que les deux. Hein. Les deux. C'est vrai, c'est vrai, c'est partir au moment où tu t'en rappelles avec des yeux d'enfant, c'est qu'ils sont morts. Hein. C'est le principe du cheval. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, match très chiant. Hein. Le PSG, c'était affreux. C'était affreux. Et il y avait, à un moment donné, il y avait Ben, qu'est-ce qu'il fait là? Hein, Faïd, ben qu'est-ce qu'il fait là? Il était, ben qu'est-ce qu'il fait là? Il est pas à la CAN. T'imagines le mec, le pauvre. T'imagines le niveau qu'il doit avoir. Il va même pas à la CAN. La Tunisie y est et pas lui. Donc il a choisi de quitter sa sélection. Tu m'étonnes. Le mec, quand il regarde les matchs, il doit pas regretter. En même temps, il joue à Bordeaux. Il voit pas trop la différence. Hein, c'est un mot entre le peste et le choléra. Donc sympa. Rémi, alors je voudrais te parler d'un joueur. Ben voilà, de ce joueur qui est parti de Marseille vers l'Angleterre. Stop, c'est bon. Qui part donc au Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers. Queen, le Queen, ouais, il connaît mieux que le Queen, le Queen's Park en général. Mais bon, après tout, les joueurs français qui sont partis à Newcastle, les Cabaye, les Dubuchy, les Ben Arfa, maintenant c'est QPR. Alors le discours, en fait, ils disent que c'est un peu un tremplin. Je crois qu'ils ont confondu, le problème c'est entre le tremplin et le plongeoir. Tu vois, c'est un détail. C'est-à-dire que tu prends le même appel, mais là t'as une belle génération Greg Louganis, là. C'est un appel, les bras en croix, deux tourbillons et plouf, tu disparais au fond de la piscine. Voilà. Sauf que voilà, la piscine, elle a une sale tronche, hein. Elle sent plus la piste que le chlore, mais bon, en général il plonge, hein, et là où il c'est crado, hein, c'est une piscine un peu crado, et t'as pas besoin d'aller à Blackpool, hein, pour que la piscine soit pourrie, c'est la moitié du championnat d'Angleterre. Hein. Celui qui est malin, c'est Yann Mvila, et je vais vous dire pourquoi, parce que Yann Mvila, il va pas au QPR, lui, il va à Rubin Kazan, et il a absolument raison le mec, parce que un, déjà le climat est sympa, hein, t'es sur les bords de la Volga, donc tu culmines à 8 au mois de juin, bah, tu vois, c'est bien, quand t'es d'origine congolaise, c'est plutôt sympa, ça te rappelle ta famille, une belle ville, capitale industrielle de la région, donc fais-moi rêver, gros palmarès, 50 ans d'histoire, un titre de champion de Russie. C'est mieux que le Barça, parce que je rappelle que le Barça n'a jamais été champion de Russie. Ouais, c'est quand même... et une très bonne visibilité, puisque évidemment ce championnat russe est très bien diffusé chez nous. Même ma chaîne sport n'en a pas voulu. On te dire à quel point c'est de la merde. Et donc voilà. Donc bravo Yann, très très bon choix. Et pour tous ceux, par rapport à Loïc Rémy, pour tous ceux qui hésitent encore à aller au Queen's Park Rangers, il a un dernier message. Venez avec nous. Je te rassure tout de suite, la vie elle sera dure quand même. Ça va être l'enfer. Je voudrais, on a parlé. Alors Naples, t'as pas parlé de Naples qui revenait bien avec ses deux points, hein, Didier. Surtout que la semaine dernière, ils avaient fait un gros coup Naples-Palerme là dans le ce que j'appellerais le derby explosif, le Borsalino. Hein. Est-ce que Naples-Palerme, pas le seul Borsalino, c'est 12 caméras sur le terrain, une camorra en tribune. C'est la camorra invisible. Hein. C'est voilà. C'est c'est pas François Damien, ça, c'est moins rigolo. Hein. Alors sur les images Panini, il faut savoir que eux, c'est pas des photos, c'est des portraits robots. Donc c'est quand même assez original. Non, t'as raison Daniel. Non, je suis d'accord. Arrêtons Daniel avec les clichés. Hein. Non, faut pas de clichés. Hein. Toi, arrête les photos là. C'est quoi? Parce qu'après, tu peux te faire tirer dessus si tu fais les photos chez eux. Donc arrêtons les clichés. Et je voudrais finir en disant que qu'on soit pour ou contre la vidéo, qu'on soit pour ou contre les mains dans la surface, l'important dans le foot, il y a une chose qui est importante, c'est ça. Oh.